Non, d'abord, oui. Débutant seulement cet après-midi, je vous dois quelques excuses. D'une part, je ne suis pas dominicain. Et d'autre part... Nobody is perfect. Vu mon grand âge et ma vue basse, je demande à parler... Alors, ceci dit, oui, le titre a été donné, comme souvent, un petit peu à l'étourdi, en particulier, évidemment, puisque on verra ce qui est essentiel dans le propos de François Julien, c'est le pluriel de possible, et donc du possible était un titre qui faisait déjà quasiment contresens d'emblée. Alors, je le transformerai un peu, j'appellerai ça plutôt de la philosophie considérée comme un art de la traduction. C'est un petit peu plus long, mais c'est sans doute un peu plus juste pour aborder le dernier livre de François Julien. Alors, sans doute ne commence-t-on jamais par le commencement, même si le mot commencement est le premier mot des trois textes majeurs sur lesquels porte le dernier livre de François Julien, donc Entrer dans une pensée ou Des possibles de l'esprit. Donc, Yuan en chinois, premier mot, paraît-il, donc, du classique des changements, du changement. Bereshit en hébreu, donc, et qui est même le titre même qui est devenu à partir de la Septante Genèse, mais qui est le premier mot titre en quelque sorte. Et enfin, Archometa, dans le premier vers, effectivement, donc de la théogonie des iodes, qui marque également de nouveau donc, ce commencement, ou plutôt cette incitation justement donc, à commencer. Sans doute néanmoins, donc, le commencement n'est-il jamais abordé, comme François le souligne dès la première page de son livre, qu'après coup et de manière rétrospective et rétrospectivement. Et ne s'en avise-t-on que tardivement. Ce qui, voudrais-je souligner d'emblée, n'enlève rien au tranchant décisif de la première phrase. Et il y a tout un chapitre de ce livre justement sur la première phrase, sur l'importance de la première phrase. Caractère effectivement décisif, peut-être d'ailleurs la dernière phrase est-elle la première phrase plutôt est-elle la dernière écrite, mais néanmoins cela n'enlève rien donc à son caractère décisif qui d'un coup engage un parti et fraye à la fois un sillon et une ornière, un gage de fécondité et une menace d'épuisement. Au point, nous dit-il, que toute la recherche s'abrite sous le parasol du fameux « longtemps, je me suis couché de bonheur » ou que, je cite, de manière un petit peu provocatrice sans doute, « tout Aristote est déjà là » dans la première phrase qui fait entame de la métaphysique. Évidemment, mais je dirais, pour qui sait lire, et à ceci près qu'il faut avoir longtemps lu Proust ou Aristote, et de surcroît être entré ailleurs, pour s'en aviser, pour s'aviser de ce parasol, ou pour s'aviser de cette espèce de phrase germinative qu'est la première phrase de la métaphysique. En tout cas, il aura fallu, si j'ai bien compté, 25 livres pour que le travail de François Julien, je reprends ces termes, rumine et décante suffisamment, et qu'il en arrive à ce livre des commencements, peut-être le plus compréhensif, au sens où il oppose, je reviendrai sans doute sur cette expression, il oppose justement la compréhension à la tolérance, il appelle et il promeut la compréhension plutôt que la tolérance, et il me semble donc que ce livre est peut-être le plus compréhensif qu'il ait écrit, non seulement parce que le vis-à-vis à construire entre la Grèce et la Chine, qui est familier à ses lecteurs, même s'il n'est pas toujours bien compris, ou que ses incidences ne soient pas bien perçues, mais ce vis-à-vis s'élargit cette fois en une sorte, dit-il, de triangle, dès lors que la veine hébraïque est sollicitée dans cette enquête sur le commencement. Et je dis bien la veine hébraïque parce que, précisément, il ne s'agit pas du Nouveau Testament d'une certaine façon, il s'agit d'une Bible en quelque sorte ancienne. Il s'agit d'ailleurs uniquement d'ailleurs du livre de la Genèse. Mais néanmoins, donc cette veine, et cette veine qui fait originalité en quelque sorte, qui a toute sa spécificité, dont François Julien montre justement donc la spécificité, construit en quelque sorte cette spécificité, eh bien elle est sollicitée donc dans cette enquête. Mais aussi, c'est pas pour ça d'ailleurs essentiellement que ce livre est plus compréhensif. Parce que compréhensif, ça ne veut pas dire embrasser le maximum en quelque sorte de choses. Mais surtout, effectivement, parce que l'enjeu de ces vis-à-vis qui sont diversement ménagés, puisque c'est un jeu à trois termes en quelque sorte en l'occurrence, eh bien cet enjeu s'enrichit jusqu'à faire, je dirais, en reprenant encore un terme, effectivement dialoguer les pensées et les cultures. Alors, à ce compte, tel est du moins mon parti aujourd'hui, je dirais qu'en un certain sens, la question du, ou plutôt des commencements, car en toute rigueur, seul le commencement hébraïque est strictement tenu au singulier, et François Julien montre en particulier que le commencement hésiodique est au moins double, et que Hésiode est ce qui commence à... pour qui justement le commencement fait problème, pour qui commence à s'interroger, à se questionner justement sur le commencement et à se demander comment commencer. Quant au commencement chinois, il est infini d'une certaine façon, et il est en incessante, en quelque sorte, reconduction. Donc effectivement, en ce sens, seul le commencement hébraïque est tenu donc à l'unicité ou à la singularité. Donc je dirais que la question des commencements est en un sens accessoire. Et il me paraît significatif qu'elle n'est pas même mentionnée justement donc dans le titre de l'ouvrage, que le titre de l'ouvrage ne nomme pas ce qui en est la matière ou ce qui en est d'une certaine façon la teneur, mais qui n'en est, me semble-t-il, que justement, en quelque sorte, l'occasion. Il me semble que la question du commencement, ou la pensée du commencement, est une simple occasion, sans doute tout à fait propice, mais une simple occasion à une opération de pensée qui entame ce qui s'annonce d'emblée comme une phénoménologie de l'esprit qui ne soit plus européenne. L'expression revient au moins deux fois, dès le début, donc page 9, et tout à fait à la fin, donc page 76, cette réécriture d'une certaine façon donc de Hegel, mais un Hegel justement donc qui ne soit plus européen, qui ne soit plus seulement européen, et qui procède donc à propos justement de la pensée du commencement, c'est l'expression dont je viens, j'ai procédé à propos de la pensée du commencement, à une opération, et c'est cette opération de pensée que je voudrais essayer d'approcher quelque peu. Alors, le terme d'opération est tout à fait important. Je vous renvoie à la fin de l'ouvrage, page 179, 180, au moment justement où François Julien ne fait rien de moins que de reconfigurer le concept de vérité. Et c'est justement donc ce caractère opérant, c'est un concept opérant, qu'il veut substituer en quelque sorte donc au vieux concept donc de l'adéquation, etc., etc. Mais c'est sur ce caractère opérant en quelque sorte donc qu'il porte essentiellement l'accent. Pourquoi ? Parce que justement c'est dans cette opération qu'il y a à proprement parler la philosophie de ce livre, ou qu'il y a de la philosophie de ce livre, ou exactement que ce livre est un livre de philosophie, parce que précisément donc il se livre à une certaine opération de pensée qu'il s'agirait de cerner de plus près. Donc c'est cette opération qui est proprement philosophique, si l'on veut, pour deux raisons, mais assez diversement probantes. La première, parce que cette opération se retournerait sur elle-même. Bon, à deux reprises, justement, donc, François Julien réfléchit son propos justement sur le propos même qu'il tient. Je m'exprime très mal, mais je le ferai mieux de le citer. Par exemple, au début donc du chapitre 9, or la question du commencement en ce point se renverse, retournons sa pointe contre nous. Et il dira la même chose en quelque sorte donc dans le chapitre sur la traduction. Mais ce premier caractère est un caractère à moitié probant seulement, et il y a évidemment une certaine difficulté sur cette notion de réflexion que François Julien utilise beaucoup, comme on verra, ses vis-à-vis, ses plis qui peuvent se réfléchir, etc., etc. C'est évidemment tout à fait essentiel, mais en même temps, il se distance de l'idée husserlienne, disons, et je renvoie tout à fait au début de l'ouvrage, c'est page 23, de l'idée husserlienne qui caractériserait justement la pensée européenne en particulier comme la seule qui se réfléchit, la seule qui fait justement cette opération de réflexion. Je ne le dis pas complètement, mais enfin, on ne pourra continuer de ressasser, donc avec Hegel, je vous laisse Hegel, ou avec Husserl, que si toutes ces cultures sont autant de variations anthropologiques, donc à égalité de principe, une seule néanmoins, l'européenne, a connu ce destin périlleux de se retourner sur elle-même et de se réfléchir. Il me semble qu'en disant cela, justement, il prend quelques distances par rapport à ce qui serait justement le caractère essentiel de la philosophie, en quelque sorte, donc, comme ce discours se réfléchissant sur lui-même, s'interrogeant sur lui-même, ne cessant justement d'accompagner ce qu'il propose, d'une sorte donc d'auto-réflexion, pour parler un tout petit peu comme Hegel, ou plutôt donc pour le paraphraser d'une manière incompréhensible, ce qui est le plus souvent ce qu'on fait. Donc ce n'est pas si l'opération est proprement philosophique, si l'opération donc de François Julien dans ce livre est proprement philosophique, ce n'est pas seulement parce qu'elle se retourne sur elle-même, mais surtout parce que, dégageant à titre de possible de l'esprit des ressources et des expériences humaines, qui toutes singulières qu'elles soient à chaque fois, historiques, je reviendrai sur cette expression, historiques et culturelles, sont, je cite, en même temps valables, ou du moins intelligibles dorénavant pour tout sujet. Dorénavant pour tout sujet. Donc des expériences, il dégage ainsi donc des expériences, des possibles de l'esprit justement, qui une fois ainsi dégagées, sont valables, c'est à voir, mais du moins intelligibles justement donc pour tout sujet. Je continue donc la citation si je la retrouve. Valable donc pour tout sujet, ce qui est bien, ce à quoi prétend leur élaboration philosophique. Donc la philosophie tient justement dans cette capacité de dégager justement une intelligibilité, de dégager un intelligible qui vaille justement donc pour tous, d'une certaine façon. Ou du moins qui vaille pour tous, je m'exprime mal en disant qui vaille pour tous, qui soit recevable, plus exactement, qui soit recevable justement donc pour tous. De la même façon d'ailleurs, ça, pour les gens pointilleux, donc c'était page 185. Mais dès le début de l'ouvrage, donc page 19-20, parlant donc de cet ailleurs, il dit évidemment, selon une polémique qui est assez habituelle, et dont vous verrez d'ailleurs la rhétorique, « Ce qui n'est pas, Dieu m'en garde, refermer les cultures frileusement sur elles-mêmes en quête d'une pseudo-identité, mais bien le contraire, en explorer les ressources pour toute intelligence, et il met pour toute intelligence donc en italique, et les exploiter. En explorer les ressources pour toute intelligence. Donc, ce qui est dégagé donc par ce travail, par cette opération de François Julien, c'est quelque chose donc qui est censé recevable justement, enfin pouvant être pris en considération, dominer ou pouvant traverser justement ce qu'il appelle l'indifférence mais c'est un exemple tout à fait privilégié, exemplaire entre la Chine justement donc et la Grèce et être recevable donc pour tout sujet intéressé, parler en quelque sorte comme il dit aussi souvent, donc parler à tout sujet ou à toute intelligence. Alors, il me semble que c'est cela qui est justement, qui fait justement donc le caractère philosophique de l'ouvrage, alors même qu'à première vue, la philosophie est singulièrement absente, même s'il est question du timé, mais le timé d'ailleurs, quel est son statut chez Platon, disons, dans l'ensemble donc des dialogues platoniciens, d'une part, et d'autre part, le timé est ici appelé, je dirais presque en appendice à la théogonie d'Hésiode. Mais donc ce n'est pas dans la teneur, si vous voulez, ce n'est pas dans l'objet qu'est le caractère philosophique donc de cet ouvrage. C'est bien justement donc dans l'opération qu'il mène. La philosophie étant justement, et c'est ça qui est à première vue justement assez spectaculaire ou étonnant, étant quasiment absente de la teneur thématique ou de la matière de l'ouvrage qui construit le triangle du théologique hébraïque, du mythologique fictionnel grec et de la régulation chinoise pour ébaucher ce qu'il appelle un recensement ou un début en quelque sorte de recensement des possibles de l'esprit. Recensement, je le souligne, qui ne soit rien moins que systématique ou exhaustif, c'est-à-dire qui ne soit ni typologique, et il insiste sur ce point justement, c'est possible de l'esprit, on ne peut pas les mettre en tableau, les mettre en tableau, c'est justement les rabougrir, et c'est n'y rien comprendre d'une certaine façon, ni dialectique, il n'y a pas non plus par conséquent de dialectique qui organise entre eux ces concepts de l'esprit. Bon, je vous renvoie, page 184, 185 pour la typologie, et page 179 pour la dialectique. Je n'y insiste pas, puisque il a rappelé hier soir, avec toute la clarté possible,